Chapitre 18e. Qu'ai-je à vous retracer? Commença Faustine. Une vie sans événements, un caractère sans traits bien marqué, des pensées, des sentiments, des impressions composent toute mon histoire. J'avais 17 ans, lauque ma sœur et moi, pauvres orphelines, nous quittâmes la pension où nous avions été élevés. Une vieille tante, qui résidait dans une propriété aux environs de Bamberg, nous recueillit auprès d'elle. À 17 ans, j'étais, je crois, comme toutes les jeunes filles de cet âge. Je ne puis dire ce que j'étais réellement. J'avais à peine la conscience de moi-même. Je passais du sérieux au gai, du mouvement au repos, sans savoir pourquoi. Cependant, mon âme ne restait point inactive, quoique son activité s'exerçât au hasard. Une foule d'images et de pensées m'occupait. Je leur donnais même un corps. J'improvisais, au grand amusement de mes compagnes pour qui j'étais une sorte de Scheherazade. Un peu plus tard, je cessais d'exprimer par des mots les fantaisies de mon imagination. Je les renfermais au-dedans de moi, je rêvais seul. Depuis, l'habitude a développé cette disposition et en a fait peut-être mon trait distinctif. De l'amour, je ne savais que ce qu'en disent les poètes. C'était, pour mes yeux éblouis, comme un monde enchanté, bien différent, hélas, du monde réel. J'aimais ma peinture, mes livres, ma musique, mes fleurs, mes oiseaux. J'aimais Dieu et ses créatures. J'avais même quelque affection pour notre tante, mais son caractère formé pour l'intrigue me faisait peur. Franche et vraie, je me sentais sans défense contre la duplicité. Je ressemblais au pauvre petit oiseau, qui, nourri dans la liberté des bois, redoute instinctivement les filets du chasseur. Parmi les hommes, je donnais la préférence à ceux qui dansaient le mieux, et non pas à ceux qui me débitaient les plus beaux discours. Ne cherchant aucun hommage, je voulais qu'on me parlât uniment, simplement, sans affectation de grands sentiments, sans emphase. Le comte Obornau avait 27 ans. Il était capitaine de cavalerie, noble, riche et bien fait. La première fois qu'il fut admis chez notre tante, ma vue produisit sur lui un effet extraordinaire. Il s'éprit pour moi d'une ardente passion, et le soir même, il jura à ses compagnons qu'à tout prix, je serais sa femme. Après une telle déclaration, personne ne douta plus de notre mariage, car aux yeux de ses amis surtout, Obornau n'était pas un prétendant qui eut lieu de craindre un refus. Toujours prêt à les assister de sa personne et de sa bourse, il était en même temps si faible d'esprit et de caractère qu'il se laissait mener comme un enfant par ses flatteurs. Dès qu'il fut connu que le capitaine Obornau m'avait en vrai sultan jeté le mouchoir, tous les jeunes gens, à 20 000 à la ronde, se retirèrent et lui laissèrent le champ libre. Il était comme convenu qu'il serait mon mari. Il ne nous quittait presque pas. Son nom retentissait continuellement à mon oreille. Ma tante s'évertuait à me chanter ses louanges, me prêchait ses bonnes qualités, sa richesse, sa naissance. Elle regrettait, il est vrai, que des parasites, de mauvais conseillers, eussent pris sur lui un tel empire. Mais, ajoutait-elle, une femme un peu avisée leur retirera cette influence et ne la laissera plus échapper. Je n'avais aucune raison de me défier de l'affection et de la prudence de ma tante. Je cédais à ses sollicitations. Je cédais aux prières d'Obornau qui me conjurait de faire son bonheur et nous fûmes fiancés. Je manquerais de sincérité si je disais qu'il m'inspirait de l'aversion ou même de l'indifférence, et qu'on fît violence à ma volonté. Non, j'éprouvais de l'affection pour lui. Je consentis de bon cœur à devenir sa femme. Je me rassurai encore par l'exemple de ma sœur, qui, 3 mois auparavant, avait été mariée à un homme que je trouvais grossier, ridicule, et qui était très heureuse avec lui. Je me disais, dans mon ignorance, que sans doute le mariage rendait les hommes plus aimables. Tout s'apprêta pour notre union. Mais à mesure que l'époque désignée approchait, j'étais assailli de noirs pressentiments. Moi, qui jamais ne m'étais inquiété du lendemain, j'éprouvais une oppression, une anxiété, comme si j'eusse été à la veille de quelque terrible catastrophe. Je n'avais personne à qui adresser mes confidences. Ma tante n'était rien moins que disposée à m'écouter. Elle tenait trop à la réussite de son plan. Ma sœur était mariée, je la voyais rarement et d'ailleurs c'était une femme. J'étais encore une jeune fille, chacune de nous gardait ses secrets, nous ne pouvions plus nous entendre. Eh bien, dans ma détresse, ce fut à Obornau que je m'avisai d'avoir recours. Un soir d'automne, que nous étions seuls dans le jardin, et que les signes précurseurs de l'hiver ajoutaient encore à ma tristesse, j'avouai au comte mes incertitudes, mes craintes, et enfin ma répugnance à l'épouser. Il traita tout cela de folie, de caprice, et rit beaucoup de ce qu'il appelait mon esprit romanesque. Timide comme je l'étais, je ne répliquai rien. Pendant une semaine, je pesais en moi-même ses paroles et me demandais s'il n'avait pas raison. J'étais souvent porté à le croire. Cependant, en voyant approcher le terme fatal, je m'affermis dans ma résolution et priai Obornau de me dégager de ma promesse. Mais au lieu de me répondre sérieusement, il me dit « Inni, vous êtes charmante en ce moment. Je serais un grand fou de vous accorder votre requête. » Mais comme je me mis à fondre en larmes, il me demanda toujours en plaisantant si j'avais en vue un autre époux, et il me nomma successivement tous les jeunes gens du voisinage. Soit étrangeté de la question, soit excitement nerveux, je ne pus m'empêcher de sourire. « Allons, allons, ma chère Inni, reprit Obornau, puisque vous ne me préférez aucun de ces messieurs, et que vous n'avez point fait de choix, vous pouvez m'épouser en toute confiance, dissipez vos alarmes. Si vous ne m'aimez pas avant, je tâcherai de me faire aimer après. » Mais ces paroles ne me rassurèrent point. Une troisième fois, je revins à la charge. Je pleurais, je suppliais, j'invoquais la générosité du comte. Il changea alors de langage et de manière. Il me protesta qu'il lui était impossible de renoncer à moi, qu'il m'aimait passionnément, qu'il serait le plus malheureux des hommes. Il se jeta à mes pieds, il pleura et il sanglota. Ce spectacle m'émut profondément. L'idée de faire le malheur d'un autre m'effraya. Plutôt être malheureuse moi-même, me dis-je, comme si, dans le mariage, le malheur d'un seul ne faisait pas inévitablement celui de deux. Et je me résignai à mon sort, et je devins la femme du comte, et ma ruine fut consommée. Ici, Faustine, dont l'émotion avait toujours été en augmentant, se couvrit le visage de ses deux mains. Un tremblement convulsif agitait tout son corps. Sa respiration était haletante, et les mouvements tumultueux de son sein indiquaient le trouble extrême, l'angoisse à laquelle elle était en proie. « Oui, » continua-t-elle après une pause et d'une voix sourde, « oui, ce fut la consommation de ma ruine. De cette Faustine que j'étais, il n'est rien resté. À partir de ce jour funeste, il n'y eut plus de Faustine. Elle était dégradée. Juste ciel, j'ai souffert cet opprobre et j'ai pu vivre. » Ici, Faustine se leva et parcourut la chambre à pas précipités. Son visage était d'une pâleur livide, ses yeux avaient quelque chose de hagard. « Malheur à moi, malheur à moi !» ajouta-t-elle avec un accent plein d'amertume. « Il n'y a rien de plus humiliant pour une femme que d'avoir été livrée à un homme qu'elle n'aimait point. C'est une marque de réprobation qu'elle porte toute sa vie. C'est une souillure qui ne s'efface jamais. « J'étais sa femme, » dira le monde. « Je l'avais été donnée par les lois, et aux yeux de la société, je suis sans reproche. Le monde... Ah, Mario, connaissez-vous l'histoire de ce puits magique, dont les eaux, une fois que la pierre qui couvrait l'orifice eût été écartée, montait, montait, sans cesse, et inondant les campagnes voisines, les transformait en un lac immense? Eh bien, le cœur de la femme contient aussi des sentiments peu connus ou incompris, qui, longtemps comprimés, éclatent à la fin et se font jour. Ce n'est pas une plainte, c'est un cri d'indignation et de reproche. C'est le cri d'une créature opprimée contre ses oppresseurs. Les froides entrailles de ce monde devraient en être remuées, mais non. Le monde appelle cela une anomalie. Il l'affecte de regarder comme faible de corps et d'esprit, comme égarée et perdue. La femme, qui jetée au bras du premier homme qui s'est présenté pour la recevoir, se détourne de lui avec dégoût. Sur 1 million de mariages, comptez ceux que l'amour fait contracter. Il y en a un, peut-être. Les autres, formés par l'intérêt et ce qu'on nomme les convenances, sont des unions également dégradantes ou également respectables pour la femme. Peu importe le mot. La chose est au fond la même, mais sur 1 million. S'il est une femme indignement sacrifiée, une seule, qui jamais ne se résigne à sa dégradation, c'est trop, car ce qu'elle a eu à souffrir est affreux. Regardez-moi, Mario. Je suis une de ces exceptions, et j'étais bien malheureuse. si j'avais entrevu la possibilité d'élever à mon niveau l'âme de mon mari. Cette perspective m'eût donné du courage, et j'aurais lutté pour le détourner des grossiers plaisirs vers lesquels il était courbé. Mais je n'avais aucune chance de réussite, et d'ailleurs, l'esclave ne travaille pour son maître que lorsqu'il reçoit l'ordre de le faire. Ne pouvant honorer mon mari, je n'ambitionnais point de le gouverner. Je suivis ma ligne et lui la sienne. Pourvu qu'il me trouvât lorsqu'il avait besoin de moi, il s'occupait peu de ce que je devenais. Il m'aimait comme sa femme et ne daignait pas prendre la peine de se faire aimer. N'étais-je pas trop heureuse? Je vivais entourée d'hommes, amis et compagnons de Bornau. Je partageais leurs amusements et leurs exercices. Ils recherchaient ma société et je ne les fuyais pas. Je me trouvais plus à mon aise avec eux qu'au milieu d'un cercle de femmes. Je pouvais les traiter au gré de mon caprice, parler ou me taire quand cela me plaisait. Les sœurs de Bornau m'avaient dégoûté de leur sexe. L'une était de mon âge et mariée. C'était une femme à esprit borné, susceptible, jalouse, et qui ne pouvait me pardonner d'avoir le pied plus petit que le sien. L'autre, vieille fille de 40 ans, avait mené autrefois une vie si déréglée que malgré sa richesse, elle ne trouvait personne qui se hasardât à l'épouser. Parvenue sur leur tour, sentimentale et minaudière, elle se plaignait de n'avoir jamais été comprise, et parlait de fuir un monde corrompu et de se consacrer entièrement à Dieu. Il est certain que le monde ne voulait plus d'elle. Quoi qu'il en soit, la première de ces dames me taxait hautement de coquetterie et de frivolité. La seconde protestait que je n'étais pas faite pour rendre son frère heureux. Et hélas, elle avait trop raison. Obernau n'était pas heureux avec moi. Quand il n'était pas là, je m'étudiais à lui chercher des qualités. Je m'exagérais à celles qu'il possédait réellement, et je mettais ses défauts sur le compte de sa mauvaise éducation. Alors, je revenais à l'idée de l'élever à une plus noble sphère. Il me semblait qu'il me serait facile de l'aimer, d'être douce et bonne pour lui. Mais à son retour, quand il me disait d'une voix épaissie par le vin, les yeux troubles et les jambes vacillantes, « Innie, venez m'embrasser !» Toutes mes bonnes résolutions s'évanouissaient. La répugnance était plus forte, et je sentais qu'il m'était impossible de l'aimer. Cependant, je luttais contre moi-même et contre lui. Je voulus l'arracher à ses honteux penchants, au jeu surtout, où il perdait des sommes considérables. Je tentais la ressource des voyages. Efforts inutiles, Obernau ne se plaisait qu'à son château de Bamberg, parmi ses compagnons de table et de chasse. Les arts, les curiosités naturelles, le spectacle des villes et des peuples, rien de tout cela ne l'intéressait. Combien de temps j'aurais enduré une telle existence, je l'ignore. J'étais lasse de mon fardeau, et je tournais des yeux impatients vers l'avenir, comme si l'avenir préparait pour moi l'affranchissement et les joies de la liberté. Ce fut alors que le baron Andlau fut amené parmi nous. Mon Dieu ! Avec quelle douce surprise je vis sa noble tête, sa physionomie distinguée apparaître au milieu du cercle des grossiers compagnons d'Obernau. Comme ces êtres vulgaires dont il était entouré lui faisaient un cadre merveilleux et relevaient la dignité de son maintien et de son regard. Il me sembla trouver en lui quelqu'un qui appartenait à la même classe, parlait la même langue, avait les mêmes pensées, les mêmes sentiments que moi. Il m'apportait l'air du monde où j'aurais dû vivre. Je l'aimais. Et je ne songeais jamais qu'en l'aimant, je fis tort à mon mari. Ce que je sentais différait tellement de tout ce que j'avais éprouvé. C'était quelque chose de si nouveau. Je ne savais quel nom lui donner, et je ne me doutais pas que ce fût de l'amour. Ah, Mario, laissez-moi vous le dire, et que mon aveu ne vous attriste pas, c'était de l'amour. Mon âme s'épanouissait devant le sourire d'Andlau. Un regard d'Andlau faisait évanouir mes sombres rêveries, comme un rayon de soleil fait évanouir les vapeurs du matin. Et quand je rencontrais ses yeux d'une expression sérieuse et pensive, j'y voyais s'y révéler tout un monde, et je me perdais à les contempler. Parfois, mais vous souffrez, j'abrège. Notre intelligence fut bien vite devinée et donna lieu sans doute à de malins commentaires. Je ne m'en émus pas. J'étais heureuse et ne prenais pas la peine de dissimuler le bonheur que j'éprouvais d'avoir trouvé un homme que je pouvais estimer, un homme qui me préférait aux chiens, aux chevaux, au vin et aux cartes, un homme qui me respectait, quoiqu'il fût certain d'être aimé. Obernau, loin de s'alarmer de mon goût romanesque pour Andlau, m'en raillait souvent. Il ne daigna jamais y mettre obstacle, soit qu'il fût fatigué de moi, soit qu'il me jugeât incapable d'aucun attachement sérieux. J'étais pour lui une statue de marbre, et comme il n'avait point réussi à animer cette statue, il pensait que sa froideur était à l'épreuve de tout. En effet, je me sentais fier surtout du respect d'Andlau, mais je maudissais secrètement à la chaîne du devoir, et en certains moments, je songeais à me retirer dans un couvent pour m'affranchir, être libre seulement. J'aspirais à le devenir avec un désir fiévreux. Être libre, c'était mon idée fixe, c'était la fervente prière de tous mes jours. Dieu m'entendit à la fin, et par une brusque catastrophe, il m'exauça. Le baron et moi, nous étions seuls au logis. Un de ces accès de vague tristesse auxquels je suis sujette pesait sur mon âme. Assise devant le piano, et cédant aux effets attendrissants de la musique, je me mis à fondre en larmes, et je laissai tomber ma tête sur l'épaule d'Andlau. Soudain, la porte du salon s'ouvrit. Obernau entra, suivi de la plus âgée de ses sœurs, et d'une voix tonnante, il s'écria « Vous aviez raison !» Puis, il tira de sa poche deux pistolets et somma Andlau d'en prendre un. Celui-ci refusa avec calme. Obernau, transporté de fureur et ne se possédant plus, menaçait de se porter aux derniers actes de violence. Andlau restait maître de lui et le conjurait de m'épargner, d'éviter, par égard pour moi, un scandale public. Au milieu de ce débat affreux, je m'étais évanoui. Je ne recouvrais mes sens qu'au bruit d'une détonation d'armes à feu et en ouvrant les yeux, je vis Andlau étendu à mes pieds et baigné dans son sang. Oh alors, je n'hésitais pas sur ce que j'avais à faire. Je demandai une voiture. Par mes ordres, on y transporta le blessé. Je le ramenai chez lui et je restai à son chevet pour être sa garde malade. Quant aux suites et à l'éclat de cette démarche, je ne m'en inquiétais pas. Le Monde et Obernau n'occupèrent pas un instant ma pensée. Ma réputation ne fut rien à mes yeux. Je ne vis qu'Andlau blessé et mourant. J'étais tout à celui qui était l'innocente victime de son amour pour moi, à celui dont j'allais peut-être causer la mort. Je veillais nuit et jour auprès de lui, je ne le quittais pas d'une minute, tant qu'enfin il commença à se rétablir et je cessais de craindre pour sa vie. Cependant, Obernau me faisait dire de réintégrer le domicile conjugal. C'était là son style. Ses parents et ses amis m'y invitaient également. Mais je fus sourde à leurs instances. Je répondis invariablement que je ne retournerais jamais auprès d'un homme qui s'était dégradé et m'avait dégradé aux yeux du public. Soit par haine, soit dans un but de vengeance, Obernau ne provoqua point le divorce entre nous. Cela m'était parfaitement indifférent. Je partis pour Nice avec Andlau, auquel l'air de l'Italie était nécessaire. Sa guérison fut lente. Pendant 2 années, je vécus partagé entre la crainte et l'espoir, mais j'étais près de lui. Je ne désirais rien de plus, tous mes vœux étaient remplis. La mort de ma tante suivit de près cette catastrophe. Sans doute, à ses derniers instants, elle se repentit de m'avoir aussi cruellement sacrifié, car elle me légua tout ce qu'elle possédait. Ce n'était pas pour moi la richesse, mais c'était l'indépendance. Mon amour n'était ni acheté ni payé. Je ne me sentais ni avili ni humilié. Je me voyais placé par ma fortune au niveau de celui dont l'estime m'était plus précieuse que l'affection. Enfin, Andlau se rétablit complètement. Nous parcourûmes l'Italie ensemble. Il développa en moi le goût des beaux-arts. Il m'apprit à admirer ces merveilles que renferment les musées de Rome et de Florence. Avec lui, la vie commença à m'apparaître sous un autre aspect. Guidé et soutenu par lui, j'envisageais l'avenir d'une âme sereine et confiante. J'étais bien heureuse. Peu de temps après, Obernau mourut et je me trouvais libre. L'épreuve que j'avais faite du mariage ne devait pas m'encourager à contracter une seconde union. Les 2 années que j'avais passées sous ce joug affreux avaient été pour moi pleines de misère et d'humiliation. Un mari pour lequel je n'éprouvais pas la moindre sympathie, une famille qui m'avait voué une inimitié décidée, un monde hypocrite dont la fausseté me révoltait. Mais Andlau me réconciliait avec l'espèce humaine. Avec lui seulement, je m'étais relevé dans ma propre estime. j'étais transporté dans une sphère où je respirais un air libre et pur, et d'où je ne pensais jamais descendre. Ma confiance dans Han Lao était fondée sur une juste appréciation de son caractère. Je m'appuyais sur lui comme sur un rocher inébranlable. Ne serais-je pas ingrate si je devais à d'autres que lui ma réhabilitation? Voilà mon histoire, Mario. C'est à vous maintenant de décider. Faustine, répondit Mario d'un air calme et sérieux. Le bras où vous vous appuyez, ne pouvant plus vous soutenir, vous devez en choisir un autre. Prenez le mien. Prenez-le sans crainte. C'est lui qui vous guidera désormais à travers toutes les difficultés de la vie. Faustine, je vous remercie de m'avoir révélé votre histoire et je m'en réjouis, car je n'y vois rien qui puisse nous séparer. Rien ? Murmura Faustine d'un air de doute. Rien ? Vous épouseriez une femme ingrate ? Rien ? Répéta Mario avec plus de fermeté. Vos torts sont involontaires et j'en suis le complice. Vous m'aimez et vous n'aimez plus Han Lao. Ne cherchez pas ailleurs, tout est là. Si vous aimiez encore le baron, vous ne m'auriez pas distingué dans la foule et vous n'auriez pour moi, comme pour les autres, que de l'indifférence. Mais c'est impossible ! S'écria Faustine. C'est la vérité. Écoutez-moi, Faustine. Je vous aime, je vous ai fait cet aveu, et pour rien, je ne le rétracterai. Vous êtes à moi. Le nœud qui vous liait à un autre est rompu. Il ne vous liait que parce qu'il était volontaire. Il ne le serait plus. Je ne veux pas vous disputer à l'ombre, quand la réalité a cessé d'exister. Reculer maintenant, se sacrifier à de vaines considérations, ce serait profaner cet amour dont vous fûtes l'héroïne. Et quant à moi, l'homme qui dit à une femme « je t'aime » et qui n'est pas préparé à affronter toutes les conséquences d'un pareil aveu, celui, dis-je, qui n'est pas prêt à suivre la femme aimée jusqu'aux enfers, avec cette conviction que l'enfer deviendra pour lui le ciel, celui-là est un lâche. Dès ce jour, Faustine, vous êtes ma femme devant Dieu, en attendant que vous le soyez devant les hommes. Faustine luttait encore contre le témoignage de son propre cœur. « Oh Dieu, oh Dieu !» répétait-elle sourdement. « Je suis donc une indigne. J'ai donc manqué à la foi première. J'ai donc trompé, trahi. Ah, c'est horrible, c'est horrible !»« Vous n'avez trahi personne !» reprit Mario avec plus de force. « Vous avez été vrai. Vous étiez libre. Vous vous étiez donné un protecteur, un second père, mais non un époux. Vous avez obéi à la nature. Que voulez-vous faire ? Rester partagé entre deux hommes, appartenant moitié à l'un, moitié à l'autre, et n'étant entièrement à aucun d'eux ? Retournerez-vous à celui que vous aimiez jadis ? Lui direz-vous « Je ne vous aime plus, mais je vais vous garder ma foi. » Non, non, Faustine, vous ne le pouvez point. Votre cœur se donne, il ne se partage pas. Ce serait vous mentir à vous-même. Ce serait faire trois malheureux, Han Lao, vous et moi. Vos scrupules vous honorent, mais ce sont des scrupules. Triomphez-en par une prompte décision, par une démarche irrévocable, affranchissez-vous du passé. Enfin, Faustine, choisissez. Choisissez à l'instant. Dans une heure, j'aurai quitté cette chambre. C'est à vous de résoudre, si je dois jamais y rentrer, car nous ne pouvons plus vivre sur le même pied qu'auparavant. Et pourquoi non ? Demanda Faustine d'un air suppliant. « Oh, Mario, vous avez de la fermeté, du courage. Nul sacrifice n'est au-dessus de vos forces. »« Le sacrifice que vous me demandez est surhumain. Je vous aime. Renoncer à vous, ce serait pour moi la mort. Mais si vous avez la conviction que vous pouvez encore faire le bonheur d'Han Lao et être heureuse avec lui, je m'éloigne et vous ne me reverrez plus. Ce sacrifice-là, j'en suis capable. J'aurai cette force. Mais non pas celle de ne plus vous aimer. » Tant que mon cœur battra, il battra. Pour vous. » Et Mario, qui dans la véhémence de son action s'était levé, ne pouvant plus supporter les divers sentiments qui l'agitaient, se laissa retomber, épuisé, à côté de Faustine. Faustine le contempla un moment dans cette attitude. Elle comprit qu'elle était l'arbitre de son sort, qu'il ne vivait que pour elle. À cette idée, tous ses doutes cessèrent et l'image du passé ne l'arrêta plus. Elle s'empara des mains de Mario et se les posa autour du cou comme une chaîne. « Mario, » dit-elle tout bas, « êtes-vous content ?» Au grand étonnement de Faustine, Mario la prit par la main. et la conduisit dans l'autre chambre devant un petit bureau sur lequel on voyait papier, plume et encre. « Maintenant, Faustine, il faut écrire. »« Écrire ?» s'écria la comtesse, qui à ce mot se troubla et se rejeta en arrière. Mario confirma par un signe ce qu'il avait dit. « Quoi ?» demanda enfin Faustine. « Écrire, moi, à lui ?»« Il le faut, » reprit Mario avec calme. « Adieu, jamais, jamais je ne le pourrai. » Et Faustine se cacha la tête dans ses mains avec effroi. « Faustine, » reprit Mario d'un ton de douce autorité, « songez qu'il le faut. » Je vous dis que ce serait lui plonger un poignard dans le cœur. Aimez-vous donc mieux me le plonger à moi ? Il lui était impossible de regarder Faustine sans éprouver de la pitié. Elle souffrait horriblement, mais Mario fut inflexible. L'heure va bientôt expirer, dit-il. Faustine, pour moi, pour vous-même, écrivez. Rien n'est tel qu'une détermination irrévocable. Une fois que vous vous serez ôté tout moyen de revenir sur vos pas, vous souffrirez moins. Oui, répondit Faustine d'une voix interrompue. Oui, je vous crois. Vous avez raison. Mais que lui dire? Mon Dieu, comment lui annoncer? Pas d'explication, pas de justification, quelques mots simples et clairs, et voilà tout. En parlant ainsi, Mario avait disposé le papier sous la main de Faustine et lui avait placé la plume entre les doigts. Elle réfléchit un moment, poussa un profond soupir et traça précipitamment ses lignes. « Anastase, la crainte que vous manifestiez lors de nos adieux s'est réalisée. Je vous ai oublié, ou plutôt, j'étais infidèle à moi-même, puisque j'ai cessé de penser que je ne voulais et ne pouvais vivre qu'en vous. Nous ne nous reverrons jamais, Anastase. Je sais que par cette détermination, je détruis votre bonheur, et cependant, je ne sollicite pas votre pardon. Vous me connaissez assez pour me comprendre. Faustine. » Cette lettre était écrite en caractères presque illisibles. Mario la plia en silence et la cacheta du sceau de la comtesse, après quoi il la replaça devant elle en lui disant « Il manque seulement l'adresse. C'est un arrêt de mort que j'écris, » murmura Faustine, qui néanmoins exécuta ce qu'on exigeait d'elle. Mario mit froidement la lettre dans son portefeuille en annonçant qu'elle partirait le lendemain par la poste. Pendant toute cette scène, le sang-froid de Mario ne s'était pas démenti un seul instant. Mais quand la malheureuse femme eut consommé ce sacrifice, Mario tomba à ses pieds et l'entourant de ses deux bras, il lui dit avec un accent profond « Faustine, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous absout. C'est devant Dieu seul que vous pouviez être justifié aux yeux des hommes. Il faut que vous soyez ma femme devant les hommes comme devant Dieu. Nous partons demain ensemble. » Nous allons trouver ma famille, et le même jour verra le mariage de ma sœur et le nôtre. Non, Mario, non. Allez seul trouver vos parents. Ils ne savent rien de moi. Il faut qu'ils me connaissent. Assurez-vous, s'ils me recevront comme leur fille, dans 12 à 15 jours, vous reviendrez me chercher, et selon le message que vous m'apporterez, je partirai avec vous. Mais d'ici là, l'incertitude, l'anxiété, avez-vous peur que je ne vous trahisse aussi ? Interrompit Faustine avec amertume. « Oh Dieu !» s'écria vivement Mario. « Non, Faustine, je ne crains rien de semblable, mais l'isolement où vous allez être, l'ennui dont vous êtes menacé. Je penserai que vous êtes heureux, » interrompit-elle, « et dans cette pensée, je puiserai courage et patience. » Le jour commençait à paraître. Mario avait donné des ordres pour que la voiture qui devait l'emmener fût prête au lever du soleil. À l'heure convenue, cette voiture l'attendait et il ne pouvait se décider à partir, à quitter Faustine. Il redoutait pour elle 1000 dangers imaginaires. Il songeait à Andlau. Il se représentait son ressentiment et son désir de vengeance. Après bien des hésitations, il partit cependant.